Bonjour, aujourd'hui je vous parle de paix et de sérénité. La paix du cœur est sans contredit le premier bien de la vie et la source de tous les autres. Sans elle, on ne peut être heureux. Certaines personnes n'ont tellement pas la paix en eux qu'ils développent des ulcères graves d'estomac ou un tas d'autres maladies. L'une des raisons qui fait que l'esprit humain n'est pas tranquille, c'est que la conscience a été blessée par des actes qui ont déplu au Créateur. C'est que vous avez enfreint l'un des 10 commandements. Les commandements sont les commandements de la vie. Être en infraction aux commandements de Dieu sont parmi les plus graves péchés qu'un homme ou une femme puisse commettre. Si vous avez perdu la paix pour cette raison, ayez du regret et confessez-vous. Dans la Bible, le roi David a prié ainsi. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Psaume 32, verset 5. Je vous lis un autre psaume, le psaume 51. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà une confession bien faite. Si vous avez des troubles de conscience, je le répète, confessez-vous. Après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Alors ne vous privez pas de ce sacrement qui a été légué à l'Église et qui peut rendre la vie à votre âme. Confessez-vous, et l'ordre reviendra régner au-dedans de vous. Aussi longtemps que l'ordre n'est pas rétabli, la paix intérieure ne peut exister dans le cœur. Il n'y a pas de paix pour l'homme lorsque sa volonté est opposée à celle de Dieu. Nous devons faire de la volonté de Dieu la règle de nos vies. Dans la volonté de Dieu se trouve la paix. Le père Jean-Nicolas Grou a écrit « Contentez Dieu et vous serez content vous-même ». Si ce message vous a touché et que vous désirez retrouver la paix de l'âme, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Mon Dieu, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux et je suis tourmenté au-dedans de moi. J'éprouve des regrets amers et voudrais ne jamais avoir commis ces actions. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Rédempteur. J'appelle le sang du Christ sur mon âme afin d'être lavé et purifié. Et pour sceller mon pardon, je me propose et fais la promesse d'aller me confesser. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.